Catherine, Marie. Sí, solo uno. Quebran. Véronique, Marie, Nathalie. Et Christophe, Marie, Louis. Goudin. Goudin. Merci beaucoup. Bon Merci travail. À vous. Merci. Comme une ville dans la ville, un minuscule état niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges, aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, quatrième jour, un tour au musée. Hoc facite in meam commemorationem. Faites cela en mémoire de moi. De la colonnade du Bernin à la chapelle Sixtine, en passant par les chambres de Raphaël, de l'usage de l'art au Vatican, entre propagande théologique et discours politique. Nous sommes entrés au Vatican ce matin, donc nous sommes rentrés par la porte Santa Anna, donc on a suivi la rue en venant du Borgo Pio et on a passé ce portail de fer gardé par des gardes suisses qui sont habillés de bleu avec un béret bleu penché sur le côté. Et puis nous avons marché tout droit, nous avons passé une arche et là nous sommes dans une cour, une grande cour qui fait un peu penser au palais des papes à Avignon. Une grande cour avec des hauts murs et des fenêtres de plus en plus étroites à mesure qu'on monte. On sent bien que c'était un palais pontifical qui était fortifié à la Renaissance. Et donc là on est dans cette cour avec ces murs qui sont faits de petites briques rouges qui sont assez fines et puis des fenêtres qui sont finalement assez étroites. On est dans une cour qui pourrait sembler presque aveugle puisqu'il y a beaucoup de volets qui sont fermés sur ces fenêtres. Pour bien visiter les musées du Vatican, il faut 2-3 ans, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à mémoriser la chapelle dans mon esprit, dans ma tête, des années. Finalement, je crois que dans ma tête, j'ai la chapelle Sistine. Une grande partie est faite sur les livres, parce qu'effectivement, sur place, il était impossible de tout voir d'un seul coup d'œil. À Rome, si on ne vient pas pour voir le Forum romain ou la basilique Saint-Pierre, c'est qu'on vient voir la chapelle Sixtine. Et pour accéder à la chapelle, il faut affronter la queue kilométrique qui longe les murailles du Vatican. Une queue interminable, hérissée de gourdes, de tablettes caméra, de parapluies, de cornets de glace, d'antennes télescopiques brandies par les guides, de tongs, de bobs et de perches à selfie. Une queue de Babel qui parle toutes les langues, une queue rituelle qui fait presque partie de la visite. Alors une fois le rite de passage effectué, on arrive enfin au musée du Vatican. Musée au pluriel, parce qu'il y en a 11. Au pluriel aussi parce que les papes et l'art, c'est une longue histoire. Une histoire des commandes et du mécénat, bien sûr, mais aussi une histoire du discours théologique de l'Église et de la mise en place du pouvoir pontifical. Mais bien sûr, c'est aussi une histoire de la collection et des musées, car les papes ont beaucoup collectionné des monnaies, des curiosités, des pierres, des peintures, des tapisseries, des carrosses et aussi des trouvailles archéologiques. Mais avant toute chose, ils ont collectionné des statues antiques qu'il faut entretenir et restaurer. On a emprunté un petit couloir et puis on a longé un pan de mur rouge de la forteresse du Vatican et on est rentré dans un laboratoire qui a une façade totalement vitrée. Donc la lumière entre très largement dans cette pièce où il y a des bas-reliefs, des morceaux de statues, des robinets, des caisses, des éviers, des appareils métalliques, des rouleaux de papier, des chaînes, des poulies pour suspendre les choses, pour les déplacer. Je vous présente notre stagiaire français. C'est anche Salvatore. Oh, c'est déjà là. Vabbè, chiamatelo, andate tutti lì e noi vi raggiungiamo subito. Ils vont en vélo. D'accord, parce qu'en fait, les gens qui travaillent au Vatican se déplacent beaucoup en vélo? Non, seulement mon équipe, là. Jardin. C'était une espèce de conquête que j'ai réussi à obtenir, mais bon, j'en suis très fier. En réalité, c'est parce que dans les jardins, nous avons des chantiers éparpillés un peu dans tous les secteurs du jardin du Vatican. Voilà. Je vais prendre les clés de la voiture, on va aller. Alors, andiamo, facciamo sto salto. Nous Je vous amène dans les jardins du Vatican où nous avons commencé il y a un an, ça ne fait pas encore un an, un travail de Guy Devreux. Restauration des œuvres qui se trouvent à l'intérieur des jardins, donc des œuvres d'art anciennes qui peuvent être d'origine archéologique, qui peuvent être du 17e, 18e jusqu'au temps moderne et qui sont éparpillées dans les jardins, on en compte plus ou moins 500. Le pari était de trouver des systèmes qui étaient assez naturels pour la restauration. Donc si on utilise des biocides toxiques invasifs, je ne sais pas comment dire en français. Invasifs, ils risquent d'endommager les arbres ou les plantes qui, dans certains cas, ici au Vatican, sont des dons qui ont été faits au pape, donc qui ont quand même une importance aussi à l'intérieur des jardins. C'est dans ce secteur-ci, qui était un des secteurs les plus compliqués, parce qu'on est vraiment dans un sous-bois. Ici, en plein été, les arbres couvrent toute la surface, donc on est dans le noir presque le plus total, il y a beaucoup d'humidité, donc c'est vraiment l'ambiance la pire qui soit pour des œuvres d'art. Et malgré ça, on a quand même trouvé des nouvelles techniques biologiques, etc. Et une en particulier qui nous a fort frappé et sur laquelle nous sommes en train de concentrer tous nos efforts scientifiques, c'est l'effet que les huiles essentielles ont sur les attaques biologiques, sur la surface de nos œuvres, quoi. Et ça, c'est quand même un pari assez extraordinaire parce que, en fait, voilà, vous avez devant vos yeux un effet positif de ce travail, tout en gardant malgré tout une certaine patine du temps, parce que là, sur ça, on est extrêmement... Alors peut-être pouvez-vous décrire, Guy Devreux, ce qu'on a devant nous. Donc on est là dans une petite allée, dans les jardins du Vatican, effectivement oui. Dans un sous-bois, il y a des fontaines autour de nous. Oui, des fleurs, les premières fleurs. Voilà, les premières jonquilles du printemps qui arrivent. Et puis il y a, alors partout, on voit des sculptures plus ou moins grandes, plus ou moins blanches, plus ou moins anciennes. Et là, on est devant... Alors ici, nous avons un petit sarcophage d'origine archéologique, c'est certain, qui est mêlé à des supports qui sont probablement du XVIIIe siècle. Pourquoi ça? Parce que dans les jardins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient des capricci, comme on dit en italien, c'est-à-dire... Des folies, des petites caprices. Des caprices, c'est-à-dire qu'ils mettaient ensemble des morceaux de pièces archéologiques qu'ils avaient dans les magasins, dans les dépôts. Ils les mettaient ensemble dans la nature pour donner une sensation de fouille archéologique. Donc non seulement on avait... De ruines romantiques. Exactement, ruines romantiques, c'est exactement ça que je voulais dire. Oui, puis on dirait presque qu'ils en ont fait finalement un bassin. On pourrait imaginer qu'il y aurait de l'eau dedans ou Il a probablement été utilisé comme bassin ou comme lavandino, comme on dit en italien. Comme lavoir. Un lavoir, parce qu'il y a un trou, comme vous voyez, qui a été fait par après, évidemment, pour justement laisser permettre que l'eau s'en aille lors d'un lavage. On voit encore la trace de la tête. Oui, ça c'est l'emplacement de la tête du mort. Du mort, ou de la personne qui était dans ce sarcophage, l'origine. Alors, comme je vous disais, les restaurateurs sont munis de bicyclettes. Il y a quatre bicyclettes qui sont sur leur béquille, là, au milieu du chemin. Ça veut dire qu'il y a quatre restaurateurs qui travaillent. Donc, pour moi, c'est un signal. Je sais combien ils sont en train de travailler. C'est un genre de pointeuse, en fait. Nous avons ici quand même une responsabilité sur un nombre incroyable d'objets. En fait, si on parle seulement des musées, on est sur l'ordre de 20 000 pièces, plus les jardins, plus les bâtiments, plus etc., etc., etc., la colonnade du Bernin, justement, etc. Donc là, on est devant Marc Aurèle. Donc c'est un marbre blanc. C'est un marbre blanc qui a été très mal restauré dans le passé, donc on a dérestauré beaucoup. D'ailleurs, si on dérestaurait les sculptures qu'il y a dans les musées du Vatican, on n'aurait que des sculptures sans bras, sans tête, parce qu'elles sont toutes extrêmement, reconstituées, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. On voit donc effectivement la Marc Aurèle, le bras levé, sa toge repliée sur le bras en cuirasse, et puis il est entouré, donc au-dessus de lui, il y a un toit de tôle, un échafaudage qui est construit autour. Cette sculpture, comme toutes les autres, a été traitée avec un huile essentielle d'origan. Donc ça donne une très bonne idée, une odeur au chantier. Et en fait, ça nous aide à éliminer ainsi et à déraciner en fait en partie l'attaque biologique des algues, des lichens qui se trouvent sur la surface de la pierre. Et vous utilisez quoi d'autre comme huile essentielle ? On est en train de tester le thym, on est en train de tester la lavande et d'autres systèmes aussi, des microparticules d'argent aussi. Et est-ce que quand vous arpentez ces jardins pour votre travail de restauration, est-ce que parfois vous avez été amené à croiser un pape ? C'était surtout courant avec Benoît XVI, parce que lui, il y venait presque tous les jours à 5 heures de l'après-midi. Maintenant, récemment, c'est plus aussi fréquent que ça. Et dans ce cas-là, on ne doit pas être présent lors de sa promenade. Et il y a donc la gendarmerie et les Suisses, les gardes suisses qui s'occupent de vérifier qu'il n'y ait personne sur son passage. Alors là, on a longé un mur de rocaille et on est sous une petite tente avec plein de petits bocaux de plastique. Oui, ça, c'est tous nos produits de restauration. On est là face à un socle. C'est un vrai capricho. Hein. Un socle avec deux colonnes brisées qui sont posées sur ce socle et puis une statue. Alors, je ne sais pas si c'est une jeune femme, j'ai l'impression de voir des cheveux longs. C'est un Apollon avec sitaré, donc avec une sitare. Un Apollon musicien. C'est ça, oui. Et donc là, il est emballé sous une bâche de plastique, donc on ne le voit pas bien. Effectivement, par contre, les colonnes ressortent très blanches. Oui. On dirait presque de la neige qui sort dans la végétation. Oui, tout à fait. Mais bon, ça va prendre très peu de temps pour qu'elles redeviennent un peu plus patinées, parce qu'elles sont en dessous d'arbres. Tout ça va tout doucement les patiner un peu plus, de façon telle que ça entre mieux dans l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons. On va voir s'il y a quelqu'un qui travaille. Dove state lavorando? Accompagnera directement par le directeur parce que les bureaux du directeur, c'est par là presque 2-3 minutes. Donc là, on est dans un tunnel, on longe un tunnel que les voitures empruntent avec enthousiasme. C'est très bruyant. À partir du 1er septembre, cet automobiliste que nous venons de voir griller un stop risquera, s'il est pris, de payer 5000 lire. C'est l'État du Vatican qui a décidé de se donner un véritable code de la route dont la sévérité et le sérieux n'ont rien à envier aux règlements internationaux. 1970. Cette loi sur la discipline de la circulation routière vient donc remplacer les règlements assez imprécis et surtout assez élastiques datant d'une époque où l'État du Vatican n'avait certainement pas de gros problèmes de circulation. Mais après les chaises à porteurs et les carrosses, l'automobile a fait son apparition. Quelles sont les principales nouveautés de ce code de la route ? Une nouveauté, par exemple, est constituée par le maximum de vitesse consenti, 30 km à l'heure aux autos. Cela s'explique très bien à cause de la topographie particulière du lieu où il y a des petites rues, des passages étroits, des galeries, des arcs, des routes escarpées et tortueuses. Les peines les plus sévères prévues par ce code. Il s'agit des sanctions en cas d'inaptitude du conducteur, comme conduire en état d'ivresse à cause de boissons alcoolisées ou stupéfiantes, qui prévoit l'arrestation jusqu'à 3 mois. Alors on se demande si tout cela n'est pas un peu exagéré. Exagéré pour un État qui ne compte même pas 500 voitures immatriculées SCV, État de la Cité du Vatican, qui n'a pas plus de 10 km de route et où finalement il n'y a jamais eu d'accident mortel. Alors il n'y a pas lieu de dramatiser. les deux seules cellules de la prison du Vatican qui sont vides depuis des dizaines d'années le resteront sans doute encore longtemps. Les bâtiments font vraiment penser au palais des papes à Avignon, de côté grande citadelle fortifiée comme ça. Oui. Du point de vue administratif, la bibliothèque et les archives sont du pape et les musées sont de l'État. D'accord. Voilà. Attendez. Il faut attendre un petit moment. Le Vatican, c'est le règne des antichambres. Des petits salons plongés dans la pénombre réglementaire pour mieux résister à la chaleur romaine. Des antichambres dans lesquelles trône inutile une table de bois sombre et quelques chaises aux pieds sculptés, recouvertes de tissus d'un étonnant style grand siècle. Et bien sûr, une pendule. Car quelle que soit la personne que l'on va rencontrer, on se doit de l'attendre un peu. Debout, ou effondré sur la banquette inconfortable, le temps d'admirer la traditionnelle gravure de la vue de la ville. Parfois, avant l'antichambre, il y a un genre de secrétariat où deux ou trois hommes assis en uniforme derrière une grande table répondent au téléphone, qui sonne peu, et mènent les visiteurs vers la fameuse antichambre. Et alors, apparaît enfin, dans un balai de portes qui s'ouvrent et se referment mystérieusement, le sphinx des musées du Vatican, l'ancien ministre de la Culture, Antonio Paolucci, sorte de second pape, empereur de l'art, parce qu'au Vatican, la Rome impériale n'est jamais loin. Attenda, prego. Parmi les grands mérites de Jules II de la Rovere, il y a eu également celui d'avoir fondé les musées du Vatican. Les musées dont je suis le directeur maintenant, ils ont été fondés par Jules II de la Rovere quand à Rome la sculpture du Laocoon a été découverte. C'était janvier 1506. Michel-Ange était présent lors de la découverte et Jules II de la Rovere a voulu que cette sculpture sortie de terre soit placée ici dans ce qui est actuellement les musées du Vatican. Et il a voulu également que la statue de l'Apollon du Belvédère, il a voulu que cette sculpture d'Apollon soit également placée dans ce qui aujourd'hui est le musée du Vatican. Et aujourd'hui, ces deux chefs-d'œuvre, le Laocoon et l'Apollon du Belvédère, sont dans le cœur symbolique des musées du Vatican, ce qu'on appelle la cour octagonale. Et est-ce que cette volonté de faire cette collection d'art antique, d'art romain impérial, est-ce que c'était aussi une manière de faire un lien entre la papauté et l'Empire ? Si, non, parce que le concept est questo, que i papi, oui, le concept est le suivant. Les papes de Rome se considéraient les héritiers légitimes de l'Antiquité classique. De l'Empire d'Adrien et Auguste, l'histoire passait à l'Empire sans fin de l'Église romaine catholique. Voici pourquoi, la raison pour laquelle les papes voulaient conserver l'Antiquité classique. Le monde antique, sanctifié par la révélation, devenait propriété de l'Église. Ceci explique pourquoi un pape comme Léon X, Médicis, qui était un grand intellectuel, en 1515, a voulu que Raphaël soit nommé surintendant aux Beaux-Arts de Rome pour conserver le patrimoine de l'Antiquité classique. Le platonisme, l'idée de la beauté idéale. Je dis toujours qu'il y a plus d'hommes et de femmes nus au musée du Vatican que dans n'importe quel musée du monde. Il suffit de se promener à travers le musée du Vatican pour le constater. La La femme, d'un goût d'art supérieur au goût de son sexe, s'élevait à l'intelligence, à la jouissance de ce beau absolu, le beau de la statuaire antique. Son admiration se passionnait pour la perfection de ces images humaines, où le ciseau de l'artiste lui paraissait avoir dépassé le génie de l'homme. Elle demeurait en contemplation devant ces effigies de dieux et de déesses matérielles et sacrées. Les Junons superbes, altières et viriles, les Minerves imposantes, portant la majesté dans le pan de leurs robes, les Vénus à la peau de marbre, polies et caressées comme par le baiser d'amour des siècles, le pêle-mêle des immortels de l'Olympe et des impératrices de l'Empire, souvent représentées presque divinement nues. Elle ne se lassait pas dans ces vastes musées de se promener sous l'éternité des gestes suspendus, de frôler le bord d'un vase ou s'enrouler une ronde bachique, le socle où se levait quelque type admirable de l'éphébisme grec, de cette jeunesse antique qui dessinait celle d'Apollon. Et sa longue visite ne finissait jamais sans qu'elle fît une dernière station de recueillement sur le banc. En face, le bloc mutilé et sublime, devant lequel passe et repasse, sentinelle du siècle qui le retrouva, un hallebardier suisse. Le torse d'Apollonius, tronçon qu'on dirait détaché du ciel de la Grèce, à son plus beau jour, et qui est là, brisé des quatre membres, comme un grand chef-d'œuvre tombé d'un autre monde. Extrait de Madame Gervaiset, des Frères Goncourt. Peut-être vous pouvez nous expliquer, Paolo Liverani, la longue histoire des relations entre la papauté et l'art antique. Si parte da molto lontano, ovviamente, perché con il terzo secolo dopo Cristo iniziamo a vedere un'arte cristiana. Alors c'est une histoire qui commence il y a très longtemps. À partir du 3e siècle après Jésus-Christ, on a trouvé des traces d'art chrétien, et ça a commencé par l'art privé avec les sarcophages, les tombes. Et à partir de l'empereur Constantin, on a assisté à la création, à la décoration de basiliques, avec surtout avec des fresques et des mosaïques. Et à partir de quand est-ce que la papauté s'est intéressée à l'art de l'Antiquité? Et dunque il l'interesse del papato per l'arte antica. Donc la découverte, la redécouverte de l'art antique commence surtout à la période humaniste, c'est-à-dire pendant la Renaissance, où on retourne vers le classicisme. Et en 1506, le pape Jules II acquiert le premier morceau de la collection vaticane. C'est la découverte du Laocoonte, c'est ça? Là, exactement. Ci sono stati momenti più così migliori e momenti meno divi all'inizio del Cinquecento. Alors au XVIe siècle, il y avait un grand intérêt pour l'art antique, mais avec la réforme et la contre-réforme, le collectionnisme a été considéré comme peu adapté à l'Église catholique. À partir du XVIIIe siècle, au contraire, cet intérêt reprend, et c'est là où on crée les musées du Vatican, qui deviennent une exposition publique et non plus une collection privée. Si on revient à la période de Jules II, du pape Jules II, et cette découverte du Laocoon, est-ce que c'était aussi une manière pour le pape de mettre en scène la papauté, c'est-à-dire de relier la papauté à l'Empire? Certamente, diciamo che questo era un... Donc, dans cette période, on s'est surtout basé sur l'autoreprésentation, mais pas uniquement chez le pape, mais aussi pour toutes les cours de princes, les cours princières qu'il y avait dans toute l'Italie. Et en l'occurrence, Jules II a joué avec son nom, Jules, pour s'associer à la famille des grands empereurs romains comme Jules César et bien d'autres. Clairement, il Laoconte viene mentionnato nell'Eneide. On parle du Laoconte dans l'Eneide. Dans l'Énéide, pardon, qui parle de la naissance de Rome, mais aussi qui parle de l'empereur Auguste. C'est donc ce jeu que Jules II a voulu incarner. Jeu littéraire, politique, artistique. Qui pouvait voir cette collection de Jules II? All'epoca di Giulio II era un'élite culturale. Donc sous Jules II, les visiteurs étaient principalement ce qu'on peut considérer comme l'élite culturelle, donc des artistes, des hommes de lettres, des cardinaux, donc des hommes d'église, mais aussi des politiciens. On peut penser notamment à la visite des ambassadeurs de Vénétie en 1526, mais on ne parle pas de grande fréquentation de ce musée. C'est plutôt, c'était justement pour une élite intellectuelle. Au XVIIIe siècle, l'augmentation, l'intérêt a nettement augmenté, mais on ne peut pas non plus dire que c'était ce qu'on considère aujourd'hui un musée, alors qu'au XIXe siècle, on s'approche de plus en plus à l'idée que nous avons aujourd'hui d'un vrai musée. Perché potremmo fare adesso? Vous voulez retourner dans le labo ou pas? Oui, peut-être pour. Ok. Et tout à l'heure, on est passé à côté d'un endroit où il y avait une grille qui était fermée. Et ça veut dire quoi quand cette grille est fermée? Ben, c'est parce que le pape est en promenade là derrière et qu'on ne peut pas le déranger. Donc là, vous étiez sur le territoire du Vatican et pas dans les musées. Maintenant, on rentre de nouveau dans les musées. Donc, c'est vraiment une gestion totalement différente. Ici, on a, il n'y a rien qui est italien. D'ailleurs, souvent, les gens pensent qu'il y a une Guy Devreux. Qu'on est en Italie. On n'est pas du tout en Italie. Il y a une douane. Toutes les fois qu'on doit faire rentrer du matériel, d'ailleurs, c'est pas toujours facile parce que ça doit passer par toute une série de contrôles, évidemment, qui sont les mêmes contrôles qu'on a aux douanes de tous les pays d'Europe et du monde. On retourne au labo. Sous le hangar, il y a effectivement des statues qui sont en train d'être restaurées. Alors voilà, ça c'est. Je vais vous décrire un peu ce que vous avez devant vos yeux. Ici, c'est une sculpture romaine qui a été manipulée par des restaurateurs en 1700 lors de la réalisation du musée Pio Cristiano. Non, pas Pio Cristiano, ça c'est Pio Clementi. Non. Et. Quand ils l'ont restaurée, ils ont ajouté des attributs qui la rendaient plus appétissante pour les acheteurs. Donc il y a une cornucopia, je ne sais pas en français, on dit une corne d'abondance. Une corne d'abondance, et donc c'est la dea della fortuna en italien. Et elle a été modifiée à ce moment-là. Il est clair que quand nous faisons une restauration, on n'enlève pas tout ça, parce que si on commençait à enlever toutes les restaurations du passé, on n'aurait plus qu'une ruine devant les yeux, et surtout, on n'aurait pas ce que je dis toujours, c'est-à-dire les traces du temps sur l'œuvre elle-même. On ne comprendrait pas quelle est sa période, quelle est son histoire. Donc c'est une statue antique, remaniée. Absolument, au XVIIe. Exactement. Comme il y en a énormément au Vatican. Je vais vous montrer ce que fait Valentina ici. Et alors, je vous la présente parce qu'en fait, elle a découvert très récemment quelque chose d'intéressant. Et en fait, on lui a confié la restauration de beaucoup de bas-reliefs qui se trouvent dans la section pio-chrétienne des musées du Vatican. Et sa curiosité l'a portée à aller chercher un détail intéressant, et c'est sur un sarcophage comme celui-ci, où l'histoire nous dit qu'il était d'abord accroché à un mur à Saint-Jean-de-Latran, et pour l'accrocher au mur, ils avaient mis des clous. Et ces clous avaient provoqué des trous à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le restaurateur qui a mis les mains sur cette pièce, quand il a été apporté au musée, a voulu boucher les trous, il l'a fait avec du marbre. Alors, Valentina, qui est en fait aussi archéologue, s'est demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé du marbre pour boucher un aussi petit trou ?» Quand, à cette période-là, c'était très difficile de faire des cylindres en marbre. Le prenez, per favore. Au lieu de faire un bouchage avec du stuc ou autre chose, ils ont utilisé ceci. Je vous laisse décrire ce que vous voyez. Alors, c'est un doigt. Ça n'est qu'un doigt. Et voilà. Voilà, ça fait la différence entre les restaurateurs du XVIIe et nous. C'est-à-dire que c'était des sculpteurs, en réalité, qui avaient à leur disposition énormément d'œuvres anciennes dans leur laboratoire, dans leur atelier. Et quand ils avaient un problème et qu'ils pouvaient le résoudre avec ce qu'ils avaient à la portée de la main, ils ont été cassés les doigts d'une autre sculpture en les utilisant comme morceaux à remplir les trous. Donc là, oui, j'ai une phalange, on voit son ongle, on voit les petites rides sur le dessus du doigt. C'est effectivement un morceau de doigt. On sort du labo, alors. Oui. On va passer par les coulisses. D'accord. C'est pas très beau, mais ça nous permet d'aller plus rapidement. Vous savez qu'il y a 8 km de galerie. Hein, bien sûr. Ici, on est dans la salle des animaux et donc des animaux, c'est assez évident. On est entouré de sculptures, on voit des chèvres, des moutons, des tigres, des bêtes à cornes. Ce sont toutes des sculptures, c'est comme un zoo de statues. On entre là où tout a commencé. En fait, on est dans le cortile ottagono où se trouve le Laocoon, qui est la première œuvre des musées du Vatican. Donc, c'est quand même l'endroit le plus important. Oui, c'est l'endroit où a été inaugurée cette collection de sculptures antiques, oui. Qui était très importante au Vatican. Absolument. Au moment de Jules II. Voilà la vue sur Rome qui apparaît toujours autour de notre visite. Autour d'un couloir, oui, ouais. Rome apparaît dans les fenêtres que l'on croise. Là, on est dans une galerie de statuaires antiques. Ça s'appelle Bustier Statue, c'est ma préférée en absolu, parce que c'est une galerie où il y a des œuvres extrêmement importantes et il y a toutes les périodes. En fait, on a Pinturicchio dans les petites parties de sur plafond. Les fresques au mur, oui. Au plafond. Et on a des œuvres romaines anciennes, grecques, et tout ça est mêlé, et ça, c'est extrêmement beau, à mon avis. Voilà. Même le directeur, quand il est un peu fatigué ou autre, il vient se promener dans cette galerie-ci. Il le dit toujours, il l'aime aussi beaucoup. Et donc là, on est entouré de visages, de bustes, des visages tout blancs. Là, il y a des femmes, des hommes de tous âges, des barbus, des enfants, des adolescents, des femmes avec des coiffures très élaborées. Il y a un effet de multitude ici qui est assez impressionnant, oui. Permesso. Alors, les marbres sur lesquels nous marchons sont des marbres antiques, donc qui viennent de provenance archéologique. Savoir qu'il y a 20-25 000 personnes comme hier qui marchent sur ces pavements tous les jours, des fois ça rend fou les conservateurs. Pour nous ici en particulier, on sait que la majorité des gens viennent seulement pour voir la Sistine et c'est vraiment triste parce qu'ils utilisent des galeries comme une autoroute pour la Sistine sans absolument regarder ce qu'ils ont autour d'eux. Et en fait, il ferait bien de s'arrêter de temps en temps pour remarquer qu'il y a aussi autre chose et pas seulement la Sistine, n'est-ce pas? Grazie. Ciao. On va rentrer ici à droite. Quand il entra dans la chapelle Sixtine, il éprouva d'abord une surprise. Elle lui parut petite, une sorte de salle rectangulaire, très haute, avec sa fine cloison de marbre qui la coupe aux deux tiers, la partie où se tiennent les invités, les jours de grande cérémonie, et le chœur, où s'assoient les cardinaux sur de simples bancs de chêne, tandis que les prélats restent debout, derrière. Le trône pontifical, sur une estrade basse, est à droite de l'autel, d'une richesse sobre. À gauche, dans la muraille, s'ouvre l'étroite loge, à balcon de marbre réservé aux chanteurs. Et il faut lever la tête, il faut que les regards montent de l'immense fresque du Jugement dernier, qui occupe la paroi entière du fond, aux peintures de la voûte qui descendent jusqu'à la corniche entre les 12 fenêtres claires, 6 de chaque côté, pour que brusquement, tout s'élargisse, tout s'écarte et s'envole en pleine infinie. Il n'y avait heureusement là que 3 ou 4 touristes peu bruyants. Et Pierre aperçut tout de suite Narcisse Aber sur un des bancs des cardinaux, au-dessus de la marche où s'assoient les caudataires. Le jeune homme immobile, la tête un peu renversée, semblait comme en extase. Mais ce n'était pas l'œuvre de Michel-Ange qu'il regardait. Il ne quittait pas des yeux en dessous de la corniche une des fresques antérieures. Et lorsqu'il reconnut le prêtre, il se contenta de murmurer, les regards noyés. « Oh, mon ami, voyez donc le Botticelli. » Extrait de Rome d'Émile Zola. Donc là, on est rentré dans la chapelle Sixtine, et donc sur le mur de droite, on voit bien la peinture du Pérugin, donc où on voit le Christ qui remet les clés de Saint-Pierre à Saint-Pierre, qui lui remet les clés du royaume. Donc on voit tous les personnages en robe, en toge, qui ont la tête penchée, avec les doigts et les mains qui indiquent des, qui font des gestes très délicats, et qui assistent à cette scène, donc qui fondent la papauté. Bien sûr, dans cette chapelle, on n'est pas seul. On est entouré, environné par des touristes qui sont tout autour de nous. Certains suivent des drapeaux, d'autres suivent des parapluies. Il y a beaucoup de groupes d'adolescents qui ont dû être traînés ici par leurs professeurs, professeurs d'italien, professeurs de latin. Et tout le monde a la tête levée vers le haut et le cou brisé, comme peut-être l'a été d'ailleurs celui de Michel-Ange quand il peignait ses fresques. Et tout le monde regarde ses fresques et se tord le cou pour regarder vers le haut. Donc au-dessus de nous, on voit bien, il y a Adam et Ève chassés du paradis. Dieu qui crée la vie avec Adam. Le doigt de Dieu qui se tend vers Adam, qui lui est très nonchalant. Et Dieu qui est tout en dynamique. Comme c'est une chapelle fortifiée, hein, et les fenêtres sont très hautes et très étroites. Et donc il y a, au niveau des fenêtres, d'ailleurs presque de la même taille que ces fenêtres à arc cintré, on voit les papes qui sont nichés en trompe-l'œil et qui font tout le tour de la chapelle. Et puis au-dessus des fenêtres, dans des arcs, on voit ces personnages qui semblent comme perchés sur le haut des fenêtres, assis, adossés, accoudés sur l'architecture en trompe-l'œil aussi, et qui semblent attendre. Certains sont dans des petit médaillon en triangle, et puis on voit cette architecture en trompe-l'œil qui continue à nous attirer le regard vers le haut, et ces fausses colonnes qui sont peintes sur le plafond par Michel-Ange et qui nous emmènent jusqu'aux scènes de la Genèse. Attention, attention, please. Silenzio, per favore, silence, please. No photo, no video, grazie. No pictures, no videos, thank you. Silence, please. Silenzio, per favore. Giovanni Carreri, vous avez écrit un livre qui est consacré à la chapelle Sixtine, qui s'appelle donc La torpeur des ancêtres, qui est consacré notamment aux figures des ancêtres qu'on voit dans cette chapelle Sixtine, entre autres. Quand on rentre dans la chapelle Sixtine, on a cette sensation finalement qu'on ne sait pas quoi regarder, tant il y a de choses à voir. Vous, quand vous entrez dans cette chapelle Sixtine, vous voyez quoi? Vous regardez quoi en premier? Il est impossible de tout voir d'un seul coup d'œil. La construction spatiale du jugement dernier est fait en sorte que les choses sont sur le point de se produire. Il y a une dimension de maintenant. Et je crois que ça, avec la dimension de le drame, qui est celui de la fin des temps, fait en sorte que c'est vers cette paroi d'autel qui se porte d'abord les regards. Ensuite, je crois qu'on regarde la voûte. Et on peut construire des liens entre cette voûte prophétique où il y a des grandes figures de prophètes et des sibylles, les ancêtres, on en parlera plus tard, les épisodes de la Genèse. Et seulement dans un troisième temps, on porte les regards sous la bande où sont peintes les histoires de Moïse et du Christ, qui étaient peintes par une génération de peintres précédents, qui sont quand même des peintures des plus grands peintres de cette période. Il y a du Perugino, il y a Signorelli, Ghirlandaio. c'était les artistes d'avant-garde de cette fin du XVe siècle. Professeur Paolucci, vous êtes le directeur des musées du Vatican. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte dans lequel le pape Sixte IV a commandé la construction de la chapelle Sixtine ? Donc, le pape era un papa del Rinascimento che si chiamava della Rovere. Le pape Sisto, était un pape de la Renaissance qui s'appelle de la Rovere. Sisto IV della Rovere. Sixte IV della Rovere. Costruire un luogo. Il a voulu construire un lieu sacré qui avait les stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme. Qui avait les mêmes dimensions que le temple de Jérusalem. Il tempio che i romani avevano distrutto. Le temple qui avait été détruit par les Romains. Dalla Bibbia conosciamo le misure del tempio perduto. De la Bible, nous avons les dimensions du temple. Ed è da quel tempo, quindi siamo nel 1400, fine del 1400, da allora la Cappella Sistina ha svolto questo ruolo. Et cioè, depuis parte, 7 ans, 1400, la Cappella Sistina a rempli ce rôle. Il luogo delle grandi liturgie. Le lieu des grandes liturgies. Et il luogo dove si vengono eletti i papi. C'est l'endroit où les papes sont élus. Alors on sait que le pape Sixte IV a commandé une décoration à des peintres florentins. Alors pas la décoration de la voûte, celle de Michel-Ange, mais la décoration des murs. Vous pouvez nous parler de la signification de cette décoration? Chiamando pittori, i più grandi pittori italiani di quegli anni, quindi Botticelli, Ghirlandaio. Faisant appel aux peintres les plus importants de l'époque, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, le Perugino. Questi pittori dovevano rappresentare su una parete. Ces peintres devaient représenter sur un mur les histoires du Christ. Sulla parete di fronte, vis-à-vis proprio, no? Di fronte, le storie di Mosè. En face, l'histoire de Moïse. Il Nuovo Testamento. Le Nouveau Testament d'un côté et l'Ancien Testament en face. Cristo e Mosè, i due legislatori, quello di Mosè della vecchia legge. Le Christ et Moïse, les deux législateurs. Il Cristo, la nuova legge. Sixte IV avait, à mon avis, trois préoccupations principales. Peut-être la plus forte. À cette époque, il ne faut pas l'oublier, est une préoccupation d'ordre dynastique de mettre en valeur le nom de sa famille. Et donc, la deuxième, de caractère plus général, est une préoccupation qui concerne la figure même du pape, qu'il fallait d'une certaine manière installer par l'image. Donc, c'est pour cette raison que ces fresques sont construites comme un double portrait, un portrait de Moïse, avec les actions accomplies par Moïse, les actions héroïques de Moïse d'une part, et en face, les histoires de Jésus. Il s'agissait de à travers les épreuves que ces deux personnages arrivent à surmonter, les tentations, les batailles, de construire une figure des législateurs, Moïse donc, de chef religieux, et des chefs spirituels, donc une figure de fondateur qui puisse ensuite être transmise au pape. Et donc celui qui a conçu ces fresques est probablement un conseiller du pape, avec le pape lui-même qui était quelqu'un quand même assez fort, cultivé, un franciscain. On bâtit une forme d'histoire que fonctionne de la manière suivante. Toutes les scènes de Moïse préfigurent les scènes qui sont en face. Sauf que ce qu'ils font les chrétiens est toujours un dépassement de ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Per esempio, vi faccio un esempio. C'è una scena sulla destra che raffigura la chiamata degli apostoli. Nous avons une scène sur la droite qui représente l'appel des apôtres. L'auteur est un peintre florentin qui s'appelle Domenico Ghirlandaio. Et dans cette scène, il Ghirlandaio a représenté le Christ, qui est sur le lac de Tiberiade, et qui appelle deux pêcheurs, qui sont Pierre et André. Il les appelle et dit: d'ora in poi io, Cristo, vi farò pescatori di uomini. Il leur dit, à partir de ce moment, moi, le Christ, je vous fais pêcheur d'hommes. Questo era figurato nella scena di Ghirlandaio. C'est représenté dans la scène de Ghirlandaio. Di fronte c'è un episodio dell'Antico Testamento che. En face, il y a un épisode de l'Ancien Testament. Gli ebrei che lasciano l'Egitto. qui montre le peuple hébreu qui quitte l'Égypte à travers la mer Rouge, en traversant la mer Rouge, et la mer Rouge qui se referme sur eux. Mentre Mosè porta il suo popolo dall'altro lato. Pendant que Moïse porte son peuple de l'autre côté. Anche questa è una storia di salvezza, perché gli ebrei. Il s'agit également d'un sauvetage. Le peuple hébreu est libéré de l'esclavage en Égypte. Et une histoire d'eau. Alors tout ceci culmine Giovanni Carré. Du côté de la vie du Christ avec la transmission des clés de la part du Christ à Saint-Pierre. C'est une fresque de Perugino. Certains des apôtres sont présents. Pierre reçoit la clé et avec la clé, il reçoit la charge de représenter le Christ sur terre, ce qui sera ensuite la charge de chacun des papes, d'abord de Sixte IV et ensuite de tous les papes qui vont suivre. Et d'ailleurs, font partie de ces premières fresques du Quattrocento, les premiers papes martyrs qui ont suivi Pierre et dont le pape actuel est l'incarnation actuelle sur terre. Donc il s'agissait de créer une sorte de figure politique que chaque nouveau pape puisse endosser d'une certaine manière comme un vêtement de chef religieux, de législateur et de chef spirituel qui était à la disposition de chaque nouveau pape. Cette figure du pape ne préexiste pas aux fresques. Ce sont les fresques qui le font exister, pas les fresques elles seules, mais aussi les conclaves, les rituels, les cérémonies. Donc je crois que le cérémonial et le décorum qui finalement rend vivant cette image du pape. Voilà, je crois qu'à cette époque, les papes commencent à se rendre compte que certes les artistes ont besoin d'eux, mais eux ont encore plus besoin des artistes pour que leur image se concrétise, puisse exister, puisse être efficace. On aurait pu penser que pour installer le pape dans la position de Pierre, il pouvait suffire de commencer l'histoire avec le christianisme. Mais les choix étaient de greffer l'histoire chrétienne sous l'histoire d'avant, donc de l'Ancien Testament, et comme vous dites, juste de faire apparaître aussi dans ces scènes de la vie du Christ des ruines du paganisme sur lesquelles s'est bâtie la chrétienté. Et la conception de l'histoire qui est sous-jacente à cette organisation faite à travers des préfigurations et des accomplissements, donc préfiguration chez Moïse, accomplissement chez le Christ, est une conception qui nous paraît très normale, très naturelle. En réalité, c'est une manière de la part des chrétiens de s'emparer de capter le prestige et l'antiquité de l'histoire des Juifs et d'en faire quelque chose qui n'a de valeur qu'en tant que préfiguration. Michelangelo a l'incarico di dipingere la volta. Puis Michelangelo arrive et il est chargé de peindre la voûte. E questo Antonio Paolucci. Succede fra il 1508 e il 1509. Nous sommes entre 1508 et 1512. Da solo, Michel-Ange affronte tout seul cet espace qui représente plus de 1000 mètres carrés da riempire con più di 300 figure, à décorer avec plus de 300 figures, un travail énorme sur la voûte de la chapelle Sixtine. Et tout questo est finito il 31 ottobre dell'anno 1512. Et tout ceci s'achève le 31 octobre 1512. Quando il Papa Giulio II della Rovere, quand le pape Jules II de la Rovere, ecco, mancavano pochi mesi alla sua morte, inaugura à peu de mois de son décès, inaugure la voûte terminée. Et naturellement, Michelangelo tiene conto dei pittori del 400. Naturellement, Michel-Ange prend en considération les peintres, les peintures existantes, les peintures du XVe siècle. Il connaissait personnellement beaucoup de peintres. Il connaissait Botticelli. Il connaissait Ghirlandaio. Quand Michelangelo était un jeune garçon, il avait commencé l'atelier de Ghirlandaio. Pour lui, ces peintres n'étaient pas inconnus. adegua il suo progetto. Donc il adapte son projet iconographique et théologique à ce qui existe déjà sur les parois. Sotto ci sono le storie di Cristo. En bas, nous avons les histoires de Christ et de Moïse. In alto, nella volta, ci sono gli episodi del Genesi, cioè la creazione del Et mondo. Sur la voûte, nous avons la Genèse, la création du monde, la création de l'homme. Ma per mettere in collegamento questa parte, Mais pour relier cioè la voûte, la Genèse, et quello che c'è sotto, cioè le storie di Mosè, et les histoires de Moïse et l'histoire du Christ, ci sono le grandi figure dei profeti, nous avons les grandes figures des prophètes et des sibylles. Et entre les fenêtres, trônaient les géants, les prophètes et les sibylles, l'homme et la femme devenus dieux, démesurés dans la force de la musculature et dans la grandeur de l'expression intellectuelle. Jérémie, le coude appuyé sur le genou, la mâchoire dans la main, réfléchissant au fond même de la vision et du rêve, la sibylle d'Érythrée, au profil si pur, si jeune en son opulence, un doigt sur le livre ouvert du destin. Isaïe, à l'épaisse bouche de vérité, toute gonflée sous le charbon ardent, hautain, la face tournée à demi et une main levée en un geste de commandement. Et les autres, tous de la même famille, ample et majestueuse, régnant avec la souveraineté de l'éternelle santé et de l'éternelle intelligence, réalisant le rêve d'une humanité indestructible, plus large et plus haute. Rome, d'Émile Zola. Alors justement, on va venir à cette voûte qui est donc finalement cette deuxième période de la chapelle Sixtine, cette voûte inaugurée je crois en 1512, peinte donc par Michel-Ange à la demande du pape Jules II. Là aussi, est-ce qu'il y a un programme? Quel est le message? Quelle est l'intention? C'est-à-dire, c'est quand même l'histoire héroïque de la chrétienté qui va vers son accomplissement et d'un certain... voûtes et lunettes, il y a ces familles avec des pères très fatigués, des mères qui s'occupent des enfants, comme une poche de quotidianité dans un temps tendu qui est celui du messianisme. Alors, qui sont ces ancêtres? C'est des gens qui n'ont pas entendu le message du Christ, qui sont restés sur le bord de la route? C'est ça, mais c'est aussi autre chose. Chez les ancêtres du Christ, j'ai remarqué des figures stéréotypes de juifs caricaturés, ridiculisés. Certains portent des marques qui sont des cercles jaunes, qui sont les ancêtres de l'étoile David, qui sont des marques infamantes. Et donc il y a à la fois chez ces personnages la nécessité de porter l'histoire généalogique des juifs, et de produire une différence. Qu'est-ce que c'est que les ancêtres du Christ? C'est une liste de noms qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, et qui, depuis Abraham, arrive à Joseph. Seulement, le problème est là, c'est que Joseph n'est pas le père de Jésus, parce qu'il y a un père divin qui s'introduit dans la généalogie. Et donc, pour la conception chrétienne de l'histoire de cette époque, il fallait à la fois marquer la continuité avec l'histoire juive et introduire des éléments de différence. Et dans le cadre général de la chapelle, j'ai trouvé que c'est d'avoir laissé cet espace pour un temps qui n'est pas héroïque, signifie reconnaître une certaine inertie de l'humanité chrétienne aussi, c'est-à-dire c'est des figures des juifs, mais c'est des figures des juifs en tant qu'ils retardent le temps chrétien, en tant qu'ils produisent l'inertie par laquelle s'explique que l'histoire ne va pas plus vite qu'on pourrait le croire. En fait, il y a un délai, un retard, il y a une pesanteur. Donc ça aussi, c'est dans la voûte, et ces figures sont notamment un contraste avec l'athlétisme des prophètes et des sibylles et des ignoudines. Donc c'est une humanité permixte, une humanité mélangée. Et j'ai remarqué que la présence de ces ancêtres du Christ est une manière de préserver cette mixité, qui finalement laisse une place à la... Et à la complexité. Et aussi à la résistance qui est celle qui... je suis allé jusqu'à reconnaître parmi les ancêtres du Christ un autoportrait de Michel-Ange. Ces poèmes, il se plaint de ne pas se convertir assez vite, d'avoir avec les seigneurs un rapport de mensonge. Et donc, il aurait pu, je pense, s'installer dans cette partie-là de la fresque parmi ceux qui ont du mal à comprendre, à suivre, à changer d'habitude. Quand on entre dans la chapelle, on a donc les peintures qui sont comme ça sur le côté, et puis face à nous, on a le jugement dernier peint par Michel-Ange. Et donc on voit tous ces corps, des corps nus pour la plupart, avec le Christ qui a un geste à la fois protecteur et menaçant. Marie qui est à sa droite semble elle-même effrayée. Et donc c'est le moment du jugement des âmes. Et donc il y a ceux qui seront damnés, ceux qui seront choisis. Et puis des anges qui emmènent les corps vers le ciel, des anges musiciens qui soufflent dans des trompettes, et puis tous ces personnages qui sont totalement dévêtus, formant comme une espèce d'amas de chair humaine incroyable sur ce fond de ciel. Et donc c'est à cette peinture que doivent faire face les papes lors des conclaves. Et donc on voit les détails célèbres, la peau de Saint-Barthélemy. Et puis on voit aussi des corps qui semblent tournoyer comme ça sur eux-mêmes, enchevêtrés les uns dans les autres. Ce jugement dernier donc, a été peint en 1536, donc plus tard, par Michel-Ange aussi. Alors là, c'était Paul III qui était derrière ce jugement dernier. Là aussi... Le contexte historique joue, c'est après le sac de Rome, c'est avant la contre-réforme, on est dans quelque chose là, quelque chose d'autre, quelque chose effectivement de l'ordre du combat et de l'ordre de l'inquiétude. Tout à fait. Et disons qu'à la fin de cette histoire, les clés que Pierre avait prises dans la fresque du Père Eugène, il le rend dans le jugement dernier. Mais il ne les a pas encore tout à fait rendus. Et cet espace qui sépare le geste de son accomplissement définitif est accompagné par une expression de frayeur de la part de Pierre, au point qu'on peut se demander s'il s'interroge sur le fait qu'il a bien mené sa barque jusque-là. Et l'Église semble avoir renoncé à son rôle d'assureur des âmes, c'est-à-dire qu'auparavant il avait garanti des places au paradis si on faisait telle ou telle chose. Là, elle semble plus pouvoir le faire ni pour les chrétiens ni pour elle-même, puisque Saint-Pierre est si effrayé dans ses gestes de rendre les clés. Mais c'est un geste qui est très intéressant, parce que s'il rend les clés, le temps humain s'arrête. C'est donc cet petit espace de ce geste tendu qui m'a... C'est le temps qu'il nous reste. C'est le temps qui reste, qui est le titre d'un très beau livre de George Agamben, qui définit exactement cette dimension messianique du temps depuis, d'après Saint Paul. Ce qui est important pour l'histoire de l'art, c'est que dès son ouverture, ça devient un lieu où les artistes vont pour d'autres raisons que celles pour lesquelles on va dans une église. C'est-à-dire ils y vont parce qu'il y a de l'art. Ils vont copier Michel-Ange. Et c'est depuis le début un temple de l'art aussi. Et donc les fonctions liturgiques et la fonction essentielle, qui est celle de nommer un nouveau pape, c'est pour ça que toute cette construction de transmission du pouvoir est importante, parce qu'ensuite il faut l'incarner dans les choix d'un nouveau pape, s'accompagne depuis les débuts d'une attention qui est portée sur les fresques elles-mêmes. Et parfois aussi sur les spectacles religieux, la musique. Il ne faut pas oublier que c'est une chapelle musicale. C'est donc avec la musique qu'il faudrait regarder ces fresques. Et on va vers les chambres de Raphaël. gift at Papa Paolo XI. Donc là, on est devant une vitrine, donc dans les galeries qu'on longe, où il y a donc toutes ces armoires anciennes. Et il y a en fait donc certains des cadeaux qui ont été offerts au pape. Et là, il y a un cadeau du président américain Nixon au pape. Ce sont des tout petits morceaux de la lune qui sont scellés dans un petit morceau de verre transparent. Et puis partout, il y a des boutiques de souvenirs qui sont installées au milieu des couloirs. Les touristes peuvent acheter des marque-pages à l'effigie du pape François, des chapelets et des guides des musées du Vatican. On passe encore un autre encadrement de porte avec d'autres armoires qui contiennent, comme un cabinet de curiosité en fait, des petits morceaux d'objets archéologiques qui ont été trouvés lors de fouilles, des tessons de poterie, des petits morceaux de statues, de tout petits objets. Donc là, on passe encore un porche. Ce sont des couloirs de marbre. On pense un peu à la Galerie des Glaces à Versailles, espèce de grands couloirs d'apparat qui sont censés impressionner ceux qui les arpentent. Là, nous venons d'arriver donc dans les chambres de Raphaël, ce qui était les appartements privés du pape Jules II. Donc on est là dans cette salle qui est consacrée à l'incendie du Borgo, donc des événements où la providence divine vient en aide à ses fidèles et des événements auxquels le pape assiste. Donc là, on le voit qui est à sa fenêtre et qui bénit la foule. Et puis donc, si on passe dans la salle suivante, on arrive à l'école d'Athènes. Donc là, on est dans une petite pièce. C'est une pièce qui n'est pas très haute de plafond, avec au plafond justement des mosaïques et des peintures. Et puis sur les parois des murs, sous des arcatures, on voit donc cette fameuse école d'Athènes, cette peinture de Raphaël qui met en scène Platon, Aristote, Socrate, en dialogue, qui semble évoluer dans une sorte de félicité. S'écouter les uns les autres, tout le monde semble lire, étudier ou écrire. C'est vraiment une peinture qui rend hommage au savoir, à la sagesse, à l'intelligence. Et donc on voit Platon qui montre le ciel, Aristote qui lui indique la terre. Et donc on sait que face à cette école d'Athènes, qui a été d'ailleurs mise en scène dans la basilique Saint-Pierre, qui était alors en construction, donc c'était encore une fois un mélange d'époques entre le contemporain et l'Antiquité. Donc on sait que en face de cette école d'Athènes, donc on va se retourner, et donc en face de cette école d'Athènes, il y a cette fresque qui, elle, indique le mystère du Saint-Sacrement et qui montre aussi d'une certaine manière à la fois le dialogue entre le savoir, entre la science et le mystère de la foi et la religion, mais aussi peut-être la supériorité de ce mystère de la foi par rapport au savoir. Et là encore, on voit sur cette peinture Jules II en train d'assister à la scène. C'est stato un periodo nella storia. Il y a une période dans l'histoire. I più grandi artisti. Les plus grands artistes di questa parte del mondo, cioè Michelangelo. De cette partie du monde, Michel-Ange et Raphaël. Hanno lavorato insieme. Ont travaillé ensemble. A distanza di pochi metri dall'altro. À distance de peu de mètres l'un de l'autre. Ed è merito, grande merito storico di questo Papa Giulio II. E c'est le grand mérite historique de Jules II de la Rovere. Il quale nel 1508, che è una data très importante dans l'histoire de l'art. Lui chiama davanti a sé due artisti. A appelé deux artistes. Un giovane uomo di 33 anni. L'un d'eux est un jeune homme de 33 ans. Ed è Michelangelo Buonarroti. Et c'est Michelangelo Buonarroti. Il lui dit, toi, tu peindras la voûte de la chapelle Sixtine. Puis la même année, en 1508, il appelle un jeune homme de 25 ans, Raphaël, qui était déjà célèbre en Italie. Et Jules II dit à ce jeune homme, toi, tu peindras à fresco les parois de mes appartements privés. Et ce sont les murs et les appartements que le monde entier connaît sous le nom des chambres de Raphaël. En premier lieu, la chambre de la signature, la chambre d'Héliodore, la chambre de l'incendie du bourg, la salle de Constantino. C'est une grande représentation d'anthropologie catholique. Par exemple, dans la chambre de la signature, Raphaël représente le monde de la connaissance. Le devoir de l'homme est de connaître. C'est l'école d'Athènes. De la connaissance, on arrive à la révélation. Et c'est la paroi avec le triomphe, la dispute du sacrement, l'incarnation. Mais l'homme a également besoin des lois. Autrement, la société serait une jungle. C'est la glorification de la justice, non? Nous avons la glorification de la justice avec les grands législateurs, Justinien et son code. Mais pour rendre l'homme heureux, il faut également la beauté et la poésie. Donc de l'autre part, en face, il y a le Parnasse d'Apollon, la glorification des poètes, la beauté, la loi, la connaissance et la révélation, les quatre piliers qui font la totalité de l'homme. Dans la chambre d'Héliodore, c'est le concept de l'intervention de Dieu dans l'histoire, la providence. On voit par exemple la libération de Saint-Pierre de la prison, avec l'ange qui entre dans les prisons. Ou bien on voit Héliodore qui voulait saccager le temple de Jérusalem et qui est chassé du temple. Et justement, on voit dans ces chambres qui racontent les interventions divines, on voit à chaque fois le pape qui assiste à ces scènes. Alors, est-ce que c'était aussi une manière, à un moment où la papauté était menacée, où Jules II n'était pas en sécurité, finalement, où la papauté n'était peut-être pas assez stable, un moyen aussi d'affirmer sa stabilité, parce que sur les peintures, on le voit très tranquille, il attend, il est serein. Il assiste à l'histoire. Il est dans l'histoire. Les choses que Raphaël décrit, c'est-à-dire l'intervention providentielle de Dieu dans l'histoire, arrive parce que le pape croit en Christ. En effet, Jules II se fait représenter à genoux devant le sang du Christ qui sort de l'hostie. Tout est conditionné par la foi. Je crois que le pape veut affirmer sa foi. C'était un pape terrible, Jules II, comme nous savons bien. I contemporanei dicevano di lui che aveva più dimestichezza, più consuetudine con la spada, disait qu'il avait plus qu'il était plus habitué à l'épée qu'à la croix. C'était un pape combattant, un pape politique. E tuttavia lì fa dire a Raffaello che lui però. Cependant, il fait dire à Raphaël crede qu'il croit en Christ. Tutto qui. Alors peut-être on peut revenir justement sur Jules II qui a fait construire la basilique donc sur le tombeau de Saint-Pierre, sur la basilique de Constantin, qui a fait décorer cette chapelle, qui a fait ses chambres et qui voulait marquer une rupture dans la manière d'exercer son pouvoir de pape. Giulio II est le pape le plus grand de tous. Jules II est le pape le plus grand de tous. C'est le pape qui a favorisé l'art. Gente come Michelangelo, qui appelait des artistes comme Michel-Ange et Raphaël. Era un papa estremamente ambizioso. C'était un pape très ambitieux. Basta dire che voleva. Il suffit de dire qu'il voulait construire sa tombe. Nel centro di San Pietro. Au centre de Saint-Pierre. San Pietro. Sur la tombe di San Pietro. De Saint-Pierre. Plus mégalomane, c'est difficile. Questo era il Papa Giulio II della Rovere. C'était le Pape Jules II de la Rovere. Par là, il y a la grande culture avec les musées du Vatican, la chapelle Sixtine, les stances de Raphaël, etc. Ça, c'est la culture classique. Père Laurent Mazas. Ici, donc, vous voyez, d'une part, il y a la Cité du Vatican et d'autre part, il y a le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est l'organisme qui aide le pape dans son gouvernement de l'Église tout entière. Avec la curie. C'est toute la curie. Hein. Donc, nous, on essaye de... d'aider le pape, on est un conseil pontifical, donc on conseille de la part du pape, et éventuellement on peut aussi conseiller le pape. Hein. Vous êtes une sorte de ministère. On est un ministère, on appelle ça dicaster parce que c'est le mot latin, dicasterium, mais en fait ça veut dire ministère. Mais j'aime bien dire qu'on est une sorte d'observatoire de la culture contemporaine, ou mieux encore, des cultures contemporaines. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour transmettre son message dans le monde d'aujourd'hui, dans la culture contemporaine ? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour le transmettre aux jeunes ? Les cultures des jeunes, ou la culture des jeunes, n'est pas exactement la même que celle de leurs grands-parents, quoi. Je prends un exemple. Si on reste... Souvent, quand on parle culture, on pense aux arts. Alors, c'est vrai que quand on voit la cathédrale de Notre-Dame, quand on voit Reims, quand on voit... on lit Peggy, on écoute Mozart, Bach, on voit les musées du Vatican... on voit que cette foi chrétienne, elle a suscité des œuvres extraordinaires qui ont embelli notre monde. Aujourd'hui, il y a une fracture profonde entre le monde des artistes et la foi chrétienne. Pourquoi ce monde s'est coupé de cette source d'inspiration ? Comment recréer ce dialogue avec les artistes contemporains ? C'est en faisant des gestes symboliques. Hein, on avait organisé une rencontre de Benoît XVI... comme 300 artistes contemporains. On fait un pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise pour faire comprendre que la foi ne retire rien à l'inspiration et à la liberté de l'artiste. Quand on traverse les appartements Borgia, décorés à la demande du pape Alexandre VI, des peintures mystérieuses, bucoliques, épictées d'or de Pinturicchio, on flotte entre iconographie chrétienne, architectures antiques et images égyptiennes. Et par la même occasion, on accède aux collections d'art contemporain du Vatican. Et on se demande alors comment retrouver la splendeur passée des collaborations grandioses et fructueuses entre l'Église et les artistes. Nicole Forti, on est là donc dans les musées du Vatican, dans les salles qui sont consacrées à l'art contemporain. Alors c'est vrai qu'on sait toute la tradition qui ont lié la papauté avec l'art à la Renaissance et puis après. Comment est-ce que cette tradition s'est perpétuée et comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui ici une collection d'art contemporain ? Bon, en fait, comme vous savez très bien, il y a eu une séparation assez violente entre l'Église et l'art. Bien évidemment, à partir des faits historiques, c'est-à-dire notamment avec la création de l'État italien, et à partir donc de la fin du XIXe siècle, au même temps, il y a eu une fracture entre la grande tradition de l'Église et les recherches de l'art contemporain. Mais au même temps, bien évidemment, il y a eu quand même toujours un lien, une relation entre les recherches artistiques, même du XXe siècle, et une idée de spiritualité. Mais ce qui c'est vrai, qu'à l'intérieur du musée du Vatican, on a dû bâtir une nouvelle saison. ouvrir les portes à la contemporanéité avec un épisode qui a une date d'ouverture, de commencement, c'est-à-dire le mois de mai de 1964, quand le pape Paul VI ouvre la chapelle Sistine au monde de l'art contemporain, aux artistes, aux héritiers, aux galeristes, aux intellectuels, collectionneurs, etc., pour leur dire deux choses. La première, excusez-nous, parce que l'Église n'avait pas eu la force, le courage et même l'humilité de s'occuper du présent. Et la seconde, aidez-moi à bâtir une collection qui peut être un signal, bien évidemment, d'un nouvel dialogue avec l'Église et la culture contemporaine. C'est pour ça que cette collection, ce n'est pas une collection d'art liturgique. Oui, on peut croiser des œuvres dans ces collections contemporaines, des œuvres de Chagall, des œuvres de Dali, des œuvres de Matisse, aussi des œuvres d'Autodix, il y a des choses très variées, de Gauguin bien sûr, et des œuvres qui ne sont pas forcément, comme vous l'avez dit, en lien avec la religion, mais en tout cas avec des questions liées à la spiritualité. C'est tout à fait ça. Paul VI, il était très sensible, il connaissait très très bien la théorie de l'art contemporain du début du XXe siècle. Il a passé pas mal d'années à Paris où il avait eu la chance de connaître pas seulement l'entourage des grands philosophes chrétiens, mais aussi bien les artistes. Vous avez cité Chagall, mais Rouault, Cocteau, il a connu Sartre, aussi bien que Braque, etc. Matisse, et il a eu la chance de les connaître très très très très vieux, que le maître, il était très vieux. Il a connu bien évidemment la famille de Matisse, et il connaissait aussi bien les théories allemandes de l'Enfühlung et les recherches de Kandinsky, Klee, et vous avez cité Autodix, Max Ernst, etc. Ils nous permettent d'avoir une route pour développer cette collection, parce qu'à différence des autres collections du Musée du Vatican, celle-ci n'est pas fermée. Donc on est ouvert à registrer cette sensibilité aussi dans les nouveaux langages contemporains. On peut penser aussi, Nicole Forti, que certains de ces artistes, certains de ces groupes, on peut penser aux surréalistes par exemple, étaient très anticléricaux. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi ce dialogue avec des artistes qui sont tout à fait opposés et critiques envers l'Église. Tout à fait, tout à fait. La culture ne peut pas être que la culture chrétienne ou d'autres religions ou que une culture à partir d'une certaine idéologie ou d'une certaine vision du monde, mais la culture, c'est exactement l'endroit où on peut discuter, mettre en question. Malheureusement, on n'a pas, et ça c'est pour une cohérence idéologique, la présence de Picasso, le seul artiste que Paul VI a appelé par téléphone, au moment de la création de cette collection, il avait reçu la lettre, mais il n'avait pas répondu. Donc Paul VI fait ce coup de téléphone, et Picasso lui dit « Je suis avec vous, c'est vraiment un grand projet, c'est très important, mais moi je suis communiste, et pour moi c'est une foi, justement. Et je ne peux pas trahir cette foi, donc je ne peux pas participer à votre projet, mais je le soutiens parce que c'est très important, cette ouverture. Et il y a aussi une tradition des papes de passer commande. Est-ce que certains papes, aujourd'hui encore, ont cette politique de commande? Et est-ce que c'est aussi dans une perspective peut-être politique ou idéologique, pour un message peut-être? Cette espèce, c'est plus difficile. Pour différentes raisons. La première, c'est l'espace tellement étroit de cet état qui ne permet pas de bâtir. Donc on a juste un épisode qui c'est la chapelle Mater Domini qui c'est Jean-Paul II qui l'a fait réaliser par des artistes d'origine byzantine, médio-orientale. Donc le décor, c'est un décor liturgique, un mosaïque. Et c'est très intéressant, c'est une chapelle pas ouverte au public, elle ne fait pas partie des musées du Vatican. Et soudain, alors que l'on s'attendait à être encore une fois escorté jusqu'à notre rendez-vous, nous voilà lâchés en plein Vatican, au milieu des jardins, libres d'aller et venir et de choisir notre itinéraire pour rejoindre les appartements pontificaux. Alors au début, on a peur, on se dit que c'est une erreur, qu'on va se faire prendre, se faire expulser. On est un peu comme des lapins pris dans les phares. Puis, timide au départ et bientôt ricanant comme des collégiens, on circule entre les ruines antiques et les cèdres, les buissons de buis, les bancs de pierre, les perruches déchaînées, et on finit par tout simplement se balader, surpris de notre propre audace, jusqu'à la cour Saint-Damase. Alors, je me permets de montrer encore la chapelle Redemptoris Mater, qui est la chapelle en mosaïque qui a été donnée par les cardinaux au pape Saint Jean-Paul II. Monseigneur Stefano Sanchirico. Dans le passé, il y a des feux pour se réchauffer un peu. S'il vous plaît. C'est la chapelle Redemptoris Mater, c'est-à-dire un peu d'Orient au Vatican. Oui, c'est une chapelle totalement recouverte de mosaïques, alors dans la tradition byzantine, avec de l'or. Vous avez sur là-bas la représentation de la Jérusalem céleste. Dans avec, le cœur. Avec au centre la Vierge, la Trinité au-dessus et l'image des saints qui siègent trois à trois au banquet du ciel. Et d'autre côté, vous avez les images de la passion du Christ, de la mort du Christ. Et on a derrière nous un poisson. On est juste à côté d'une mer de mosaïques. Oui, c'est le poisson qui a mangé le prophète Jonas. Cette chapelle est utilisée encore pour la prédication du carême et pour la préparation aux fêtes de Noël. Pour rejoindre le père Pierre-Paul, on prend un taxi. Il monte la route sinueuse de la colline du Janicule. À chaque virage, on voit la ville apparaître, les façades ocre, le ruban vert du Tibre, les toits rouges et les coupoles blanches qui se détachent sur un ciel de plomb. Sur la route, on a croisé une statue d'Anita, la femme de Garibaldi, cheveux au vent, armée jusqu'aux dents et à cheval. Furiosa, comme dit le chauffeur de taxi, qui avoue préférer les mules aux femmes de caractère. Le conducteur nous arrête devant le jardin des Oblats de la Vierge Marie, au milieu des oiseaux et des citronniers. Et on arrive alors dans une maison de vieux garçons, un salon confortable où flotte encore l'odeur du déjeuner, des canapés en chintz, des fauteuils en cretonne, des rocking chairs, des livres, un tourne-disque et un piano. Bonjour, à un appuntamento. Oui, c'est moi. J'ouvre le portail. Hein. Oui. Et vous tournez à gauche, juste avant le jardin. Père Pierre, Pierre, vous êtes maître de chapelle de la basilique Saint-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste et puis nous raconter un peu l'histoire de cette chorale de la basilique? Oui. Alors, souvent, peut-être il faut distinguer hein, ce que les gens voient lorsqu'ils voient à la télévision une messe célébrée par le pape. Ils entendent une chorale qui n'est pas la chorale de la basilique, qui est la chorale de la maison pontificale, la chorale privée du pape, hein, qui est la chapelle Sixtine. Et ils ne chantent que lorsque le pape célèbre la messe ou un office, donc ils chantent une vingtaine de fois, un maximum par année. La basilique Saint-Pierre a sa vie liturgique propre. Donc tous les dimanches, il y a des offices qu'il faut chanter. Alors, le pape Jules II, en 1513, a fondé, d'une manière assez solide, un collège de chanteurs pour la liturgie de la basilique. Et le collège a pris son nom, Cappella Giulia, chapelle julienne. Et à partir de ce moment, je veux qu'il y ait toujours, dans le futur, 12 chanteurs et 12 enfants. Parce qu'il n'y a personne à Rome ou en Italie, capable de chanter la musique liturgique. Et c'est pour ça qu'à la chapelle Sixtine, les chanteurs étaient tous espagnols, français ou flamands. Il n'y a pas d'italien. Et ça a un peu vivoté comme ça. Jusque 40 ans plus tard, lorsque Giovanni Pierluigi da Palestrina est nommé maître de chapelle. Il est nommé maître de chapelle en 1551. Et tout de suite, il augmente le nombre de chanteurs. Il va rester là pendant 3 ans, jusqu'au moment où Palestrina est appelé par le pape à devenir compositeur pour la chapelle Sixtine. À ce moment-là, son ami Giovanni Animuccia devient maître de chapelle. Et Palestrina passe à la chapelle Sixtine. Animuccia reste à Saint-Pierre jusqu'en 1571. Et au moment de sa mort. Et à ce moment-là, Palestrina revient comme maître de chapelle de la Cappella Giulia et il gardera le poste jusqu'à sa mort le 2 février 1594. Le répertoire de la Cappella Giulia est très important parce que les maîtres de chapelle devaient tous être des compositeurs. Alors, quelquefois, les maîtres de chapelle, c'était des Italiens, mais ils avaient fait une expérience en Allemagne ou en France, et ils revenaient à Rome et ils étaient les maîtres de chapelle. Et ils amenaient avec eux des nouvelles manières de faire, des nouveaux goûts. Et alors, en étudiant le répertoire de la Cappella Giulia, que nous avons aux archives, vous avez une espèce de guide complet, toute une histoire de la musique sacrée que vous ne trouvez pas à la chapelle Sixtine, parce que c'était beaucoup plus rigide comme... Plus récemment, on a trouvé 4 messes du compositeur de musique de film italien Nino Rota, qui a écrit 4 messes pour son ami qui était maître de chapelle. Et bon. Une chose aussi importante, qui est, donc au début, il y avait des enfants et des voix d'hommes, mais les enfants n'étaient pas suffisants. Et comme on faisait dans les cours princières en toute Europe, on appelait aussi des castrati à chanter. Et lorsque ça n'a plus été possible, hein, au début du XXe siècle, ils ont été le dernier mort à ce temps-là, alors on a tout de suite remplacé ces castrati par des falsettoni, donc des hommes qui chantaient avec une voix de fausset, hein, mais assez puissant, falsettoni. Et lorsque ceux-ci ont été interdits, vers les 1950 à peu près, 1550-60, alors, on est retourné avoir des enfants. Tout ça pour garder toujours la vérité artistique, hein, la couleur que la Cappella Giulia, c'est une voix qui chante avec des voix aiguës et des voix graves. Des anges, allons donc. Il ne s'agit malheureusement que de garnements en culottes courtes, mais soigneusement recrutés, un à un, par l'actuel directeur de la chorale, compositeur de musique religieuse, Monseigneur Bartolucci. 1966. Monseigneur, dove recluta lei? Comment recrutez-vous, Monseigneur, les voix blanches? Heureusement, l'école est connue maintenant. Et ce sont les familles elles-mêmes qui cherchent à nous envoyer leurs enfants. Mais nous faisons aussi un choix. Nous allons dans les écoles, les maîtres savent ce qu'il nous faut et nous appellent lorsqu'il y a des enfants particulièrement doués. Ragazzi, voi state imparando il solfeggio, se non sbaglio. Vous apprenez le solfeggio alla Chapelle Sixtine, n'est-ce pas? Ça vous intéresse? Sì. Le chant vous intéresse? Sì. Vous n'aimeriez pas chanter autre chose? Sì. Les Beatles, vous connaissez? Sì. Adriano Celentano? Sì. Gigliola Cinquetti, vous les avez vus à la télévision? Sì. Vous aimeriez chanter autre chose que ce que vous chantez à la Sixtine? Sì. Et vous chantez autre chose? Sì. Quoi? Les garçons de la rue Gluck. Ah, voilà. Voulez-vous le chanter pour nous? Allons, on essaye? De Animucha, nous avons 6 messes qui ont été conservées. Animucha n'était pas très riche, donc il n'a fait publier qu'un seul volume de ses messes. Père Pierre-Paul. Mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Tellement écrit, et la musique était tellement belle, que les chanoines, motu proprio, c'est-à-dire sans que ce leur soit demandé, ont décidé de lui donner une augmentation de salaire pour la quantité et la qualité de sa musique liturgique. Mais comme je vous l'ai dit, il n'avait fait publier que le premier volume des messes. Et tout le reste, motets, psaumes, hymnes, tout ça est en manuscrit dans nos archives. Et un jour, un archiviste, les goûts liturgiques étaient changés, il voyait tout ce... toute cette pile de papier là. Alors il a vendu ça à un marchand de fromage près de la basilique. Et alors c'est ainsi que la magnifique musique de Animucha est finie pour emballer des fromages. La même chose est arrivée pour les compositions. On sait que Domenico Scarlatti a été maître de chapelle de 1515 à 1719. Et on s'est étonnant qu'on n'a presque rien de lui. Et on avait beaucoup de choses, on a plus d'une centaine de titres. Mais elles ont fait la même fin. Donc elles ont aussi été vendues. Elles ont aussi... En fait, c'est des petits détails. Et vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ce lien entre la musique et la liturgie et la religion est si fort. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement... Voilà, comment peut-être... Un peu tous les arts. Hein. Il n'y a pas que la musique... Même si la musique est quand même un peu spéciale. Vous voyez, moi je dis que c'est un des aspects de l'Église qui est un peu oublié. Hein. L'Église, elle a toujours utilisé les artistes pour décorer ses temples, non, les églises, pour écrire sa musique. Il y a une alliance séculaire qui a été faite. Et les papes, les évêques, enfin les communautés ecclésiales ont dépensé beaucoup d'argent pour faire ça. Et ça, c'était une beauté qui était gratuite. Les gens, autrefois, n'avaient pas grand-chose. Les gens, dans les siècles, on n'avait ni télévision, ni radio, ni... Et souvent, le seul endroit où on pouvait être en contact avec de la beauté, et de la beauté gratuite, c'était à l'église. Et la liturgie ne va pas sans musique. C'est-à-dire que, depuis toujours, presque, c'est lié. Ah oui. Et ça nous vient probablement de la synagogue, où les textes sacrés n'étaient pas récités, ils étaient chantés. On chante sur une corde de récitation, donc c'est un récitatif orné, et puis qui s'est tranquillement développé pour aller vers la polyphonie et les œuvres plus récentes. Mais même les dialogues entre le prêtre et l'évêque et les fidèles, tous les dialogues normalement sont chantés. Moi, je dis que pour moi, les offices les plus beaux que nous avons sont ceux de la Semaine Sainte. Ce sont des offices que nous chantons qui durent plus de 2 heures. Nous les chantons dans la basilique, mais dans la chapelle des chanoines. Donc c'est une chapelle qui est pas beaucoup de monde peut entrer. Et, de toute façon, c'est pas beaucoup fréquenté. Donc les chanoines sont là et toute la capelle La Giulia est là au centre. Et en fait, ce sont ce qu'on appelait autrefois l'office des ténèbres. Et tout ça est chanté en chant grégorien. Et on chante sans micro, donc avec une acoustique exceptionnelle. Et on prend le temps, donc on n'est pas pressé. Ce sont vraiment de beaux offices. La procession part de la sacristie. Et on sort par une porte de côté dans l'atrium de la basilique, hein, devant la basilique. Alors on chante déjà au filii et filii, un chant processionnal. Et lorsque le cardinal arrive devant la porte, on ouvre les grandes portes de bronze de la basilique, qui est vide. Et là, le cardinal entre et avec l'eau de la nuit, l'eau bénite de la nuit pascale, alors il asperge la basilique. Et alors là, on chante « Regina Celi Letare », hein, « Reine du ciel, réjouis-toi, ton fils est ressuscité ». C'est comme si on allait lui annoncer là, que son fils est ressuscité. À la procession du Magnificat, les chanoines et le cardinal descendent à la tombe de Pierre pour encenser les reliques de Saint-Pierre. Et puis il retourne. Donc ce sont de très beaux offices, vraiment. C'est extraordinaire. Alors qu'on chante, on a l'impression de s'élever. C'est vraiment incroyable, même physiquement, hein. Quel était le travail sur les statues du Bernard, ces statues qui sont tellement magnifiques, qui sont en mouvement de personnages à échelle humaine, un peu plus grand? Beaucoup plus grand. C'est 140 sculptures qui font 3,50 m de hauteur, plus ou moins. Guy Devreux. Qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. En ayant travaillé dessus pendant tout ce temps, j'ai eu la possibilité de comprendre aussi quels étaient les sotterfugi, comme les trucs que Bernin a utilisés pour les rendre aussi, disons, parlantes, en fait. Elles sont extraordinaires parce que, à part le mouvement que ces sculptures ont, la surface a été traitée de façon rustique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lissée, d'ailleurs le travertin ne le permet pas, et donc il a fait exprès de rendre la surface rugueuse, ainsi faisant quand on les regarde de loin, elles vibrent un peu dans la lumière du ciel et ça les rend très très vivantes en fait, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Et là on voit, il y a un caractère scénographique du Bernin qui joue un rôle important et qui a fait en sorte qu'une colonnade aussi imposante pouvait être extrêmement lourde pour les personnes qui étaient en dessous, et au contraire c'est vraiment pas ça que ça donne. Ça donne un aspect extrêmement agréable, des fameux bras, non, les bras de l'Église qui envoûtent les gens qu'elle accueille. Et c'est vraiment le résultat que ça donne, quoi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors peut-être, pour finir, vous pouvez nous dire, Guy Devreux, peut-être les œuvres que vous préférez, celles qui vous ont le plus touché, ce que vous avez le plus aimé restaurer. Oh. Alors, le Bernin, c'est ma chapelle Sistine, en fait, c'est notre chapelle Sistine. En fait, pour entrer dans le travail, il a fallu l'étudier, il a fallu entrer dans la mentalité de l'artiste lui-même, qui est en fait un scénographe extraordinaire, et un travail d'équipe. Il y avait les ingénieurs qui, en fait, avaient la part plus compliquée, plus difficile dans le travail, parce que c'est eux, en fait, qui ont la responsabilité du fait que rien ne tombe sur les gens qui passent en dessous et que rien ne s'écroule après la restauration. Donc, eux, ils avaient tendance à être extrêmement interventionnistes et nous faisions exactement le contraire. Justement, je vous ai dit que pour nous, moins on travaille, moins on fait et plus on risque... Et moins on risque de faire des dégâts. Et donc, la discussion était très, très, disons, forte entre, par exemple, ingénieurs et restaurateurs. Alors, pour vous faire un exemple, les ingénieurs auraient voulu mettre des adhésifs époxy pour consolider toutes ces sculptures, mettre des barres en acier à droite et à gauche pour consolider ces sculptures. Et en fait, nous, on s'est battus pour leur faire comprendre que pour nous, chaque sculpture en soi était une œuvre d'art et que nous voulions les traiter exactement comme si on les avait transportées dans un laboratoire de restauration comme celui où nous nous trouvons maintenant. Et on a réussi. Quel était le rôle des historiens d'art sur ce type de chantier de restauration ? Mais, par exemple, la chose la plus classique que les historiens de l'art essayent de comprendre, c'est si sur la surface il y avait de la couleur. Alors, c'est difficile à imaginer, mais en fait, il y en avait. Il n'y avait pas de la couleur, il y avait du blanc. En fait, surtout au début, on a trouvé, grâce aux historiens de l'art qui ont fait des recherches d'archives, on a trouvé que Alexandre VII n'était pas tout à fait d'accord avec le résultat que les parements en travertin donnaient au point de vue esthétique. Pourquoi ? Parce que le travertin, même Bernin, on a trouvé des écrits qui le disent, n'était pas de bonne qualité. Le premier travertin qu'il avait reçu n'était pas de bonne qualité, donc il avait énormément d'alvéolisation riche d'argile et donc qui n'était pas blanche comme le reste. Alors qu'est-ce qu'il dit à Alexandre VII ? Il dit « Bon, c'est fini, j'appelle le peintre et il va donner un coup de blanc sur tout. » Et nous avons retrouvé le coup de blanc en question. Mais bon, moi, j'ai eu différents moments de ma vie professionnelle qui ont été importants sur le point de vue des émotions. Et une des plus grandes émotions, je l'ai eue dans la Sistine. Toujours étant que j'étais pas, à ce moment-là, restaurateur au Vatican, mais j'étais en visite avec d'autres restaurateurs sur le chantier. Et là, vraiment, on a eu tous un moment d'émotion extraordinaire. Et pourquoi ? Parce qu'on faisait partie d'un cours international de perfectionnement, restauration de peinture murale, et on nous a invités à monter sur l'échafaudage. Et alors, tout le monde sait, dans le domaine de la restauration et de l'art, que quand un peintre réalise une peinture qui est loin des yeux de la personne qui la regarde, il utilise des pinceaux plus gros, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison d'aller fignoler des détails si tu sais que les gens le regardent de loin. Un peu comme les scénographes dans les théâtres, ils font des choses un peu grossières, mais en fait, de loin, ça rend très bien. Alors, c'est ça qu'on s'attendait. Nous, on dit, on monte à 21 mètres de hauteur, on va voir Michel-Ange, on s'attend qu'il ait utilisé des pinceaux assez gros et en faisant quelque chose d'intéressant, mais qui a, disons, cet effet-là. Non, c'est pas ça qu'on a trouvé. On est arrivé sur la surface de la fresque de Michel-Ange et tout était parfaitement fignolé. C'était comme s'il avait eu l'intention de nous le montrer de très près. Et ça, c'est impressionnant. Les églises, puis même au toit, les sculptures qui tiennent sur les toits, enfin sur les plafonds. Oui, c'est ça. Les statues en stuc, ça, c'est du stuc. Le... Voilà, sinon sur la place, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors vous voyez aussi donc, toutes ces colonnades. Donc ça c'est magnifique, oui, c'est le pape Alexandre VII qui a demandé ça au Bernin. Maëlys Godmel. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs allées dans ces colonnades, c'est-à-dire qu'il y en a une grande où les carrosses pouvaient circuler et il y en a une de chaque côté qui sert pour les piétons qui puissent passer aussi à cet endroit-là. Donc vous retrouvez sur les colonnades les armes du pape Alexandre VII, donc vous voyez son nom écrit en dessous. Et ces armes, c'est-à-dire que c'est des petits monticules surmontés d'une étoile, parce que c'est une famille qui vient de Toscane, la famille des Chigi. Et au-dessus de toutes ces colonnades, donc qui sont en travertin, vous voyez différentes statues, donc il y a 140 statues, et qui représentent la plupart des saints qu'on retrouve sur le calendrier. Donc il y a notamment des papes, des martyrs. Voilà, et puis au-dessus de la façade, vous voyez aussi donc, des statues toujours en travertin. Le Christ bénissant que vous voyez au centre. Et voilà, à côté de lui, il y a Saint Jean-Baptiste et les apôtres autour. Je me demandais, les statues en haut, il n'y a que des hommes ou il y a des saintes aussi? Non, il y a des saintes aussi. Il y a des saintes aussi. Il y a des saintes aussi. Oui. Là, il y a des saintes. Il y a Sainte Thérèse, oui. Il y en a, on en voit deux. Là, on en voit plusieurs. D'accord. On en voit moins deux. Là-bas. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais c'est magnifique. Et elles font donc 3 mètres. 3 mètres de haut. Voilà. Et puis en fait, d'ici, on voit beaucoup les expressions des personnages. Et en fait, si on s'approchait vraiment de très près, c'est assez, on va dire, grossier. Enfin, j'emploie un terme un peu fort, mais qu'on retrouve vraiment toutes les expressions de loin. Parce que le but, c'était de les voir sur la place. C'est extraordinaire d'avoir sculpté ça et ça tient bien debout. Pendant qu'on est devant les colonnades là, que vous voyez, donc là vous pouvez bien en dissocier une ligne de 4 colonnades différentes, 4 colonnes. Et en fait, quand vous êtes donc juste. Attendez, ici est-ce qu'on en voit en fait, à l'endroit là où vous voyez toutes les chaises, donc entre l'obélisque et la fontaine, il y a un rond où on peut se mettre. Et quand on regarde d'un seul côté, donc c'est-à-dire d'un seul côté de la place, on voit qu'une colonne à chaque fois en perspective. Donc là aussi, c'est tout le génie du Bernin. Et de l'autre côté, c'est pareil, de l'autre côté de l'obélisque, on voit à chaque fois qu'une colonne. Donc voilà, il y avait tout un travail de perspective, etc. Pour qu'on n'en voit qu'une en même temps. Là, ça a été restauré il y a quelques années, donc le travertin est très... très clair, ressort vraiment sur la place. C'est vraiment comme deux grands bras qui accueillent les pèlerins pour montrer aussi que l'église était accueillante, ouverte. L'après-midi de ce matin merveilleux, nous avons fait un tour en fiacre dans les rues de Rome, Cécile, Marie-Jeanne, Bernadette et moi. Nous ne savions que faire pour manifester notre joie. Puis nous sommes venus à Ostie, sur la plage. Il faisait un peu chaud, pas trop. Nous avons parlé de tout cela. Thérèse disait en répondant au monsieur de la télévision, « Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se sentait nombreux, on n'était pas seuls. » Enfin, je ne sais pas si ce que nous avons fait mérite le nom de pèlerinage, mais nous sommes heureuses de l'avoir fait. Et plus tard, nous pourrons raconter tout ça à nos enfants. Je vous embrasse tous, nous rentrons jeudi. Merci à Giovanni Carreri, Guy Devreux, Nicole Forti, Maëlys Godmel, Paolo Liverani, le père Laurent Mazas, Antonio Paolucci, le père Pierre Paul et Monseigneur Stefano Sanchirico. Extrait lu de Madame Gervaiset, des Frères Goncourt et de Rome, d'Émile Zola. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Aurélien Traîneau, coordination et site Marie-Vonna Bolivier, Aurélie Marsay, prise de son Christophe Goudin, Emmanuel Morse-Duncan, mixage Valérie Lavalard, dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Kervran réalisée par Véronique Samouiloff.